Si désir ou pas t'es ouvert, bon Dieu. Si kaya ou pas t'es ouvert, qui manye n'dégueye si la terre. Lokoto, lokoto, lokoto. Si des bras ou pas t'es ouvert, bon Dieu. Si l'homme ou pas t'es ouvert pour nous, qui manye n'dégueye si la terre. Lokoto, lokoto, lokoto. T'en fais ton temps qui t'étend. L'homme toujours comprend ce qui met dans la terre. Gardez manye, gardez vous manye yoye. Lokoto, lokoto, lokoto. Malheureux qui a si la tête, qui a souffert, qui tient la foi, bon Dieu là, pas qu'à oublier yo. Blokoto, blokoto, blokoto. Si des yeux ou pas t'es ouvert, bon Dieu, si qu'il y a ou pas t'es ouvert, qui manye n'dégueye si la terre. Blokoto, blokoto, blokoto. Si des bras ou pas t'es ouvert, bon Dieu, si l'homme ou pas t'es ouvert pour nous, qui manye n'dégueye si la terre. Blokoto, blokoto, blokoto. Gardez manye, yo ka goumé pou yo. Blokoto, blokoto, blokoto. Pitié pour tout ça qui en misère. Bon Dieu que voyez, c'est assis yo. Gardez manye, gardez qui j'en yoye. Blokoto, blokoto, blokoto. C'est ça même. Qui t'inille la voix, mon Dieu là, pas qu'à oublier yo. Blokoto,